Le 15 courant, les participants à la parade militaire tenue à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, en présence des dirigeants suprêmes Kim Jong-un, ont été acclamés vivement par des centaines de mille citadins dans les rues de Pyongyang. Le long de plusieurs dizaines de kilomètres de la ville de Pyongyang, les citadins, jeunes et enfants, les ont félicités chaleureusement en donnant les bouquets et tiges de fleurs.